北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. 朋友，你们好，欢迎您继续收听法语三百句节目，我是彭文娟。 Bonjour, chers amis, je suis Marc. 在今天的节目中，我们将一起来学习第18课，关于乘坐火车、轮船和飞机的一些表达法。 Aujourd'hui, nous allons apprendre la leçon 18, prendre le train, le bateau, l'avion. 在进入新的内容以前，请大家听一段小对话。 Bonjour Mademoiselle Durand. Bonjour Monsieur Gaston. Quand vous êtes arrivé tôt? Oui, parce que j'ai beaucoup de travail toute la matinée. À quelle heure vous levez-vous tous les jours? En général, je me réveille très tard et je me lève à 8 heures. Vous partirez en Angleterre cet après-midi? Oui, j'y vais en avion. 在上面的对话中，我们复习了关于日常活动的一些表达法。最后一句话中出现了一个新的短语。En avion, 意思就是乘飞机，这正是我们今天所要学习的内容。法国的公共交通事业很发达，加上国土面积不大，所以可以乘坐火车往来于各城市之间。 S'il vous plaît, quel train dois-je prendre pour aller à Lyon? 请问去里昂应该坐哪趟车？在询问别人的时候，出于礼貌，应先说一句 S'il vous plaît。另外，乘坐什么交通工具可以用 prendre 这个动词，坐火车就是 prendre le train， 坐轮船 prendre le bateau， 坐飞机 prendre l'avion。 S'il vous plaît, quel train dois-je prendre pour aller à Lyon? S'il vous plaît, quel train dois-je prendre pour aller à Lyon? 波尔多是法国著名的葡萄酒产地，去那里旅行就更应该坐火车了，因为那里有很多的葡萄园。 À quelle heure part le train pour Bordeaux? 去波尔多的车几点开？去什么地方的车应该说 le train pour 加上地名。同样，去巴黎的飞机就应该说 l'avion pour Paris。句中还有一个动词 par， 是由原形动词 partir 变来的，意思是出发。 À quelle heure part le train pour Bordeaux?À quelle heure part le train pour Bordeaux? 下面我们来看一看车票的表达法。 Je veux un billet de couchette pour Marseille pour le 26. 我要买一张26号去马赛的卧铺票。票一般用 billet 这个词来表达，如 l'avion， 而表示卧铺票时可以说 billet couchette。 Je veux un billet couchette pour Marseille pour le 26.Je veux un billet couchette pour Marseille pour le 26. 购买车票时必须说明是单程票还是来回票。 On va faire une réservation. Vous voulez des billets aller simple ou aller retour? 我们就去订票，你们要单程票还是来回票？ Faire une réservation 意思就是预定， 预定车票、机票、房间等等都可以。请注意，单程票可直接说 un aller simple， 来回票就是 un aller retour。 On va faire une réservation. Vous voulez des billets aller simple ou aller retour? On va faire une réservation. Vous voulez des billets aller simple ou aller retour? 我们学过了乘坐什么交通工具应用 prendre 这个动词，下面再看一个短语。 Comment voulez-vous y aller? En bateau? 您打算怎么去？坐船去吗？法语里表示旅行方式时常用这样几个短语，坐船 en bateau， 坐火车 par le train， 坐飞机 par avion。 Comment voulez-vous y aller? En bateau? Comment voulez-vous y aller? En bateau? 下面我们把刚才学过的内容连起来读一读。 S'il vous plaît, quel train dois-je prendre pour aller à Lyon? À quelle heure part le train pour Bordeaux? Je veux une couchette pour Marseille pour le 26. On va faire une réservation. Vous voulez des billets aller simple ou aller retour? Comment voulez-vous y aller? En bateau? 我们再读一遍。 S'il vous plaît, quel train dois-je prendre pour aller à Lyon? À quelle heure part le train pour Bordeaux? Je veux une couchette pour Marseille pour le 26. On va faire une réservation. Vous voulez des billets aller simple ou aller retour? Comment voulez-vous y aller? En bateau? 您现在收听的是法语三百句。刚才我们谈到了关于乘坐火车、轮船的一些表达法。尽管法国有高速列车，铁路事业很发达，但在与飞机的竞争中仍处于劣势。法国最大的航空公司是法航 Air France。 Le 2 avril, il y a le vol 102 d'Air France, départ à 9h20. 4月2日，有法航102航班，上午9点20分起飞。航班用 vol 这个词表达 ，départ 是动词 partir 的名词形式，意思也是出发。 Le 2 avril, il y a le vol 102 d'Air France.Départ à 9h20. Le 2 avril, il y a le vol 102 d'Air France. Départ à 9h20. 乘坐飞机时，随身携带的行李不得超过20公斤。 Combien de kilos de bagages puis-je apporter avec moi? 我能随身携带多少公斤的行李？ Les bagages 表示行李的意思，经常用复数形式。 Combien de kilos de bagages puis-je apporter avec moi? Combien de kilos de bagages puis-je apporter avec moi? 有些飞机在中途需要停靠，我们来看一看如何表达。 Le trajet de Beijing à Paris est de 16 heures, y compris une escale d'une heure à Sharjah. 从北京到巴黎要飞16小时，其中包括中途在沙加停留一小时。Le trajet 指的是路程、旅程。Y compris 是一个短语，意思是其中包括。Escale 就是中途停靠的意思。当然，现在乘坐法航的班机从北京到巴黎只需要10小时就够了。 Le trajet de Beijing à Paris est de 16 heures, y compris une escale d'une heure à Sharjah. Le trajet de Beijing à Paris est de 16 heures.Y compris une escale d'une heure à Sharjah. 当飞机快要起飞时，空中小姐会对您说这样一句话 ：Mesdames et messieurs, l'avion va bientôt décoller. Veuillez serrer votre ceinture de sécurité. 女士们、先生们，飞机马上就要起飞了，请大家系好安全带。请注意“女士们”“先生们”的说法，在一些重要的场合，甚至还说 ：“Mesdames, mesdemoiselles.”Messieurs, décoller 是起飞的意思。Ceinture de sécurité 就是安全带。汽车上也需要系好安全带。 Mesdames et messieurs, l'avion va bientôt décoller. Veuillez serrer votre ceinture de sécurité. Mesdames et messieurs, l'avion va bientôt décoller. Veuillez serrer votre ceinture de sécurité. 到达机场时，空中小姐又会对您这样说。 L'avion arrive à Paris dans 5 minutes. La température du sol est de 15 degrés. 飞机再过5分钟就到巴黎了。目前的地面温度是摄氏15度。到达用 arriver 这个动词加上一段时间时，表示的是多长时间以后。表示温度为多少度时，不要忘了 de 这个介词。 La température est de 15 degrés.L'avion arrive à Paris dans 5 minutes. La température du sol est de 15 degrés. L'avion arrive à Paris dans 5 minutes. La température du sol est de 15 degrés. 好，听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了。感谢您的收听，下次节目再见。 Merci de votre aimable attention et au revoir. 这次的外语实用口语三百句讲座节目播送完了。